nocturne de somnambule, sont les oies blanches qui chantent le nord la nuit. Quand au printemps la terre fait mentir les désespérés, et les coudes bien sages sur une pierre saillante, froidi par le vent du large, sert-il feuillement, ignore-t-il quand son âme se trouve en désespéré. Et sans discorde, s'il est heureux comme il le dit, si le jour est sans les ordres, pourquoi fuguer la nuit comme un désespéré? Chanter les oies, mais chanter sans tumulte, chanter que sa peine ne soit pas d'être un adulte, chanter les airs, les amours de bord et pour se désespérer, pour tous les désespérés. Merci.